Dommage causé par le vaccin Covid-19. Le dialogue public avec tous les professionnels se fait attendre. La vague de vaccination contre le Covid-19 a commencé dans plusieurs pays du monde. Parallèlement à ces vaccinations, les rapports sur les dommages et les décès dus au vaccin sont de plus en plus nombreux, en particulier dans les médias alternatifs. 19 janvier 2020. Les centres américains de contrôle des maladies, CDC, rapportent que 3150 personnes vaccinées contre les infections à Covid sont incapables d'accomplir leurs tâches quotidiennes ou de se rendre au travail un jour seulement après la vaccination. 29 décembre 2020 au Mexique. Un médecin de 32 ans a dû être admis en soins intensifs après avoir été vacciné contre le Covid-19. 4 janvier 2021 au Portugal. Une aide-soignante de 41 ans meurt deux jours après la vaccination contre le Covid-19. 7 janvier 2021 aux États-Unis. Un médecin en bonne santé de 56 ans meurt après avoir été vacciné. 11 janvier 2021 en Inde. Un Indien de 42 ans meurt après avoir été vacciné. 11 janvier 2021 en Autriche. Cas grave de Covid dû à la vaccination. 12 janvier 2021 aux États-Unis. 24 décès dus au coronavirus dans une maison de retraite de New York après la vaccination. 12 janvier 2021 en Allemagne. Une femme de 55 ans est morte 10 jours après la vaccination. 12 janvier 2021 en Israël. Les chiffres du Covid-19 montent en flèche en Israël après la campagne de vaccination. 13 janvier 2021 en Allemagne. Un homme de 89 ans meurt après avoir été vacciné. 14 janvier 2021 en Allemagne, 10 personnes meurent après avoir été vaccinées contre le Covid. 15 janvier 2021 en Allemagne, Institut Paul Ehrlich. 7 morts, plus 51 personnes ayant de graves réactions au vaccin jusqu'à présent. 15 janvier 2021 en France. 30 personnes présentant des effets secondaires graves. 15 janvier 2021 en France. Un homme meurt 2 heures après la vaccination. 15 janvier 2021 en Israël. 4500 personnes infectées par le coronavirus après la vaccination. 15 janvier 2021 aux États-Unis. Les autorités sanitaires font état de 29 réactions dangereuses. 16 janvier 2021 en Allemagne. Épidémie de coronavirus dans une maison de retraite après une campagne de vaccination. 16 janvier 2021 en Belgique. Un homme de 82 ans meurt après avoir été vacciné. 16 janvier 2021 en Allemagne. 2 femmes âgées sont mortes juste après la vaccination. 16 janvier 2021 en France. 2 morts après la vaccination. 16 janvier 2021 en Norvège, 23 morts après la vaccination. 16 janvier 2021 aux États-Unis, 55 morts après la vaccination. 16 janvier 2021 aux États-Unis, la Californie cesse la vaccination avec le vaccin Moderna en raison de fréquentes réactions allergiques. 19 janvier 2021 aux États-Unis, 55 décès, plus 6741 cas avec effets secondaires du vaccin. 19 janvier 2021 en France, 5 morts après la vaccination. 20 janvier 2021 en Allemagne, 9 décès après la vaccination. 20 janvier 2021 en France, 5 Français sont morts peu après la vaccination contre le coronavirus, 139 effets indésirables graves. 22 janvier 2021 en Suisse, 42 effets indésirables, dont 16 graves et 5 décès après vaccination. 26 janvier 2021 au lac de Constance en Allemagne. 13 des 40 personnes âgées d'une maison de retraite meurent après avoir été vaccinées contre le Covid-19. 15 autres sont positives au coronavirus après la vaccination. Doch es kommt vielleicht noch dicker. Mais ce n'est pas tout. Des spécialistes de la vaccination, tels que le professeur Dolores Cahill, immunologue et biologiste moléculaire irlandaise, s'inquiètent du fait qu'un très grand nombre de personnes vaccinées contre le Covid pourraient mourir plusieurs mois plus tard à cause des nouveaux vaccins ARN messagers. Avec ces informations, nous ne voulons ni semer la panique, ni créer une phobie de la vaccination, mais plutôt appeler à une réflexion constructive. Il est frappant de constater que la plupart des autorités et des hommes politiques nient avec véhémence, par retour de courrier, l'existence d'un lien entre la vaccination Covid-19 et les dommages, les infections au coronavirus et les décès. Cela ne vous fait-il pas aussi réfléchir? Et pourquoi les nombreux experts de renom qui ont mis en garde toutes leurs forces contre le nouveau vaccin Covid-19 dans le monde entier sont-ils constamment soit étouffés, soit muselés par la politique et les principaux médias? Le dialogue public avec l'ensemble des professionnels n'est-il pas en retard? Et ne faudrait-il pas aussi entendre ici les experts financiers, économiques et autres qui témoignent de façon impressionnante que la pandémie de Covid n'est que le prétexte d'une restructuration économique, politique et sociale mondiale? Comme les grands médias ne contribuent pas à un débat ouvert, les citoyens doivent le prendre en main. Si vous pouvez partager cette impression, parlez-en avec vos amis, vos connaissances, vos collègues de travail, ainsi qu'avec les enseignants et autres partisans de notre vie publique. Et s'il s'agit d'un sujet qui vous préoccupe particulièrement, exigez que les politiciens et les journalistes des principaux médias en parlent publiquement.